Ce podcast existe grâce au soutien de Non-Violence 21, du CENAC, le Centre pour l'Action Non-Violente, et de l'association Sortir de la Violence. Il existe aussi grâce à tous les généreux donateurs et donatrices qui me soutiennent de manière ponctuelle ou régulière et que je tiens ici à remercier chaleureusement. Belle écoute. C'est d'abord une écologie de l'être humain, la non-violence. Ma lutte va être à travers la parole. Si tu mets la graine de violence, tu la retrouveras en face. I have a dream. Ne jamais obéir. Urgence climatique, justice sociale. D'abord dénoncer le système. Mobilisation citoyenne. On ne peut pas être dans la violence et l'humanisme à la fois. Bienvenue dans le podcast La force de la non-violence. Parce que la force n'est pas l'apanage de la violence. Parce qu'on peut changer cette croyance et toute notre culture. Je suis Célia Grincourt et je vais à la rencontre de personnes qui ont choisi la non-violence et les stratégies d'action qu'elles nous offrent pour se faire entendre, révolutionner ce monde ou simplement espérer survivre. Être en colère, c'est la bonne santé, vous savez. Désobéissance civile de masse. Dans le changement politique, on n'a pas le droit de rester amateur. C'est une question de vie ou de mort. Il nous faut des armes d'instruction massive. C'est une lutte. Donc l'empathie est le levain de la non-violence. C'est ça notre espoir. Le droit à la non-violence. Le droit à la non-violence éducative. I still have a dream. Aïssa. D'un précédent épisode avec Ariane et Benoît Tyran, un propos m'est resté, comme une énigme. La violence serait le lieu de la révélation. Pour un podcast sur la non-violence, quel paradoxe. De quelle révélation parle-t-on ? Celle du sens de la vie, de la mort, du bien, du mal, de l'éternité ? La violence ordinaire ferait-elle écran, en quelque sorte, à ces questions existentielles et son déchaînement aurait-il pour conséquence de faire éclater cet écran de fumée afin de nous ramener à l'essentiel ? William Deligny a vécu l'ultra-violence. Il a été l'un des skinheads les plus craints des années 80 à Paris et l'un des musiciens du groupe néo-nazi Evil Skins, les Peaux Maléfiques. Il a frappé, insulté, terrorisé autour de lui et endossé les comportements les plus repoussants de notre société. Et pourtant, il est aujourd'hui à la tête de l'unique temple hindouiste reconnu en France. Y entrer m'a fait immédiatement voyager en Inde avec les peintures vives, les bassins, les statues dorées de Radha Krishna, l'amour divin, les prières, les chants. Comment mon invité a-t-il pu opérer un tel virage à 180 degrés ? Devenu moine Vaisnava, il médite plusieurs heures par jour et contribue à aider les plus démunis autour de lui avec l'association qu'il a créée, Ahimsa Non-Violence. Après avoir hurlé sa haine, il témoigne infatigablement de la puissance de l'amour. William Deligny, qu'est-ce que c'est pour vous la non-violence ? La non-violence, c'est qu'on devrait faire aux autres ce qu'on voudrait qu'ils nous fassent, déjà, premièrement. En Inde, c'est quelque chose qui est très profond. C'est le respect de tous les êtres vivants et la compréhension profonde de qui on est, d'où on vient et quelle est notre fonction originelle. En fait, la violence, elle vient d'une incompréhension de notre environnement, d'une frustration profonde. On ne comprend plus notre place, on ne comprend plus les êtres, on ne respecte plus rien et on se centre simplement sur une fausse conception de nous-mêmes, le pouvoir. Donc la non-violence, avant tout, c'est une qualité de respect, d'humilité, de tolérance, de compassion. Et alors, qu'est-ce que ça vous inspire, le titre de mon podcast ? La force de la non-violence. Oui. Je vais vous citer une fois, parce que moi j'ai beaucoup de gens qui sont dans des gangs, etc., qui sont extrêmement violents puis haineux. Et moi j'ai été dans mon passé un skinhead très violent et très connu pour ça. Et il y a un jeune qui m'a téléphoné, il me dit « Ouais, qu'est-ce que ça fait ? Maintenant t'es un faible, etc. Avant t'écrasais tout le monde, tu pétais la tête à tout le monde, on t'admirait, maintenant t'es devenu une loque. » Et je lui dis « C'est une conception. Avant, je pensais être le maître du monde, et il fallait que je fasse peur à tout le monde pour être bien, mais j'étais malheureux, j'étais seul. Et ça m'a amené à devenir un paranoïaque, à avoir des ennemis partout, et à chasser ce qui était bon en moi. Mais l'amour, on ne peut pas le détruire. Il est là et ressurgit à un moment. Maintenant que j'ai accepté l'amour, la non-violence comme vie, j'ai plus de problème. Partout où je regarde, je vois pas d'animosité, je vois pas d'ennemis, je vois pas de gens qui me pourrissent la vie. Mais j'apprends de tout. Qui est le plus heureux ? Il m'a dit, ben, toi maintenant. Et il m'a avoué. En fait, il a regardé une vidéo que j'avais faite et il s'est mis à pleurer. Et en fait, quand il m'a téléphoné, c'était comme un dernier assaut de son ignorance. Et maintenant, il essaie de changer. C'est tellement puissant. Moi, si tu savais le nombre de personnes qui m'ont contacté juste pour un petit mot, juste qu'on lui mon histoire et qui, 2 ans après, me disent « Merci Willy, grâce à toi, je suis plus violent, maintenant je suis dans la paix. » J'ai rien fait. C'est juste la puissance de l'exemple, de la non-violence. Si ce que tu dis, tu le vis, tu le respires et tu le mènes dans l'action, alors les gens vont te donner du respect. Par exemple, quand je vais voir des gens de gang, hein, des gangs de motards, les gars, c'est des monstres physiquement, mais ils me disent « Tu sais, on n'est pas plus puissant que toi parce que les principes que tu suis, on ne serait pas capable de les suivre. » Si j'analyse ma vie, j'ai eu vraiment beaucoup de mal à m'en sortir. Vraiment, vraiment, c'est pas facile. Mettre un coup de tête, c'est facile. Haïr quelqu'un, c'est facile. Mais retenir ses coups, quand on a mis beaucoup, retenir ses pensées, ses paroles, c'est un combat inimaginable. Quand j'étais encore membre de gang, des fois, cette violence, elle partait. Et je me disais, mince, mais qu'est-ce qui se passe, toi ? Je comprenais rien. Je me voyais dans cette carapace de monstre, quoi. Rasé, avec des tatouages mauvais, avec des gars, mais super violents. Mais vraiment, c'est presque l'asile psychiatrique, toi, seulement qu'ils sont violents. Et là, je me retrouvais, je me dis, mais qu'est-ce que je fais là ? Mais ce que j'aimerais essayer de comprendre, c'est qu'est-ce qui attire autant dans la violence ? Parce que vous en parlez dans votre livre, Skinhead repenti, de cette fascination quand vous évoquez l'image d'un skinhead aperçu d'abord en Angleterre. Moi, j'ai vécu dans une cité. Mes parents étaient des prolétaires. J'étais dans une petite cité. En face, il y avait d'autres cités. On avait peur des uns et des autres. On pouvait se faire racketter. Donc automatiquement, dans cette connaissance qui est très sombre, on développe beaucoup de ressentiments. Quand j'ai vu, quand j'avais 14 ans, et qu'on nous a amenés en Angleterre, au Puces de Londres, quand j'ai vu ce skinhead déambuler, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ce gars-là ? Wow, il fait peur à tout le monde, son look, c'est incroyable. Et je ne connaissais pas, je n'avais jamais entendu parler. Et je me fais virer d'un lycée pour violence. Ma mère me met rue d'Assas, au lycée Saint-Sulpice, pour m'en sortir. Et là, il y a des skinheads. Et là, ce que j'avais vu, paf. Rien qu'en les regardant, j'ai comme aspiré leur haine. J'ai commencé à imiter leur démarche, à regarder les gens méchamment, à parler méchamment, et j'ai commencé à frapper. Et à un moment, quand je me suis senti prêt, j'ai dit à ma mère, j'ai triché ma mère, je voudrais que, voilà, me faire un look. Donc elle m'a payé quelques fringues de skin sans savoir. Et je me suis pointé au lycée comme ça. Et à ce moment-là, je me suis fait accepter. Et graduellement, on entre dans le noyau dur et on devient un des pires. Quoi. En fait, ce qui est fascinant, je pense, c'est que quand on vient de nulle part et qu'on n'a rien, faire peur aux autres, faire du mal aux autres, ça donne une position. Et quand je marchais dans la rue, tout le monde baissait les têtes. Quand je massacrais quelqu'un, ça me donnait un plaisir. Dans la voie du yoga, on dit qu'on peut prendre le bonheur dans l'ignorance, dans la passion et dans la vertu. Dans l'ignorance, c'est avec le mal des autres, c'est la violence. Et dans la vertu, c'est en faisant du bien aux autres. Donc, on peut se retrouver dans des extrêmes. Moi, quand je frappais quelqu'un avant, j'adorais ça. Quand je le laissais par terre dans le coma, ou presque mort, j'adorais ça. Sauter à pieds joints sur la tête de quelqu'un, j'adorais ça. Et j'en parlais avec le groupe, quand on massacrait des gens, c'était, je sais pas, les festivités, quoi. À ce point-là, un exemple. Une fois, là, j'avais 15 ans. Et j'ai pris 6 mois de sursis. Un gars m'avait juste regardé 3 secondes. Je l'ai frappé. Il est tombé au sol. Et je l'ai frappé jusqu'à temps que sa tête rentre entre le trottoir et le pneu de la voiture. Mais comment c'est possible ? Quand cette colère, elle t'emporte, tu peux pas t'arrêter. Tu deviens fou. T'es adombré par ça. Tu peux pas. C'est comme si t'avais 10 fois la force de ta propre force. C'est quelque chose d'horrible. Et après, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai joué au flipper 5 mètres à côté comme si rien ne s'était passé. Complètement insensible, plus de peur de la police, plus de peur, rien. La vie de gang, c'est une vie où tu es plus sensible à rien. Tu n'as plus de famille, tu n'as plus rien. Tout, c'est le gang. Tu es prêt à mourir. Vous avez dit 3 choses. Vous avez dit, vous pouvez trouver le bonheur dans l'ignorance, La passion et la vertu. Et la passion, alors, qu'est-ce que c'est ? La passion, c'est plus lié à la vie sexuelle. Le fait de se faire adorer, de trouver une position, par exemple, dans un métier, d'être considéré. Ça, c'est plus la passion, en fait. Dans la passion, il y a une forme de violence, bien sûr, la passion aussi. Elle n'est pas dépourvue de violence, hein, parce que la passion est très proche de l'ignorance, mais elle est plus subtile. Par exemple, vous voyez quelqu'un, vous n'avez pas envie de le voir, puis vous allez lui dire « Ah, je suis tellement content de t'en voir ». C'est une forme de violence. C'est ce qu'on appelle l'hypocrisie, la duplicité. Et la vertu ? Quand on est complètement comblé au fond de nous-mêmes et qu'on n'a plus besoin des autres pour être satisfait, on se met à servir les autres et à accepter simplement ce que les autres peuvent nous donner. Même si quelqu'un va me tricher quelque part, je ne vais pas lui en tenir rigueur parce que j'attendais rien de lui. Et son geste qui n'est pas bon, je vais l'analyser comme un moyen de progresser. On prend l'exemple d'un sage. Les sages, ils sont toujours dans le pardon. Et c'est l'exemple d'un scorpion qui se noie dans une petite flaque d'eau. Et le sage le prend, le sauve. Mais qu'est-ce que fait le scorpion ? Il le pique et le scorpion retombe dans l'eau. Mais le sage, il le reprend pour le sauver. Il le repique. Et il y a un monsieur qui vient, mais c'est idiot ce que vous faites. Le scorpion, il vous pique à chaque fois, pourquoi vous le sauvez ? Et le sage lui répond, c'est pas parce qu'il me pique que je vais perdre cette vertu de la compassion. Oui, mais il peut le piquer jusqu'à le tuer. Oui, mais la vertu, c'est quelque chose où on est sorti d'un état de maladie. Quand vous allez dans un hôpital psychiatrique, vous n'allez pas accuser les gens de faire une bêtise, de mal vous regarder, de mal vous parler, ils sont malades. Quand vous êtes dans la violence, vous êtes malade. Quand vous êtes dans la vertu, c'est comme si vous étiez guéri. Vous n'allez pas accuser quelqu'un qui est malade alors que vous étiez malade comme lui. Vous êtes obligé de pardonner. Oui, mais est-ce qu'il y a une limite à ça ? Parce que là, c'est quasiment oui, bien sûr, divin, ce que vous dites. Bien sûr, il y a une limite. On est des êtres incarnés et voilà. On pourrait se faire détruire comme ça. Tout à fait. En fait, il y a une limite. Parce qu'on peut partir, bien sûr, dans un extrême. Si quelqu'un se fait agresser, si je ne fais rien, est-ce que c'est de la violence ou de la non-violence ? C'est de la violence. Voilà. Donc, la non-violence, ça ne veut pas dire qu'on n'agit pas. Moi, je suis non-violent. Si des gens viennent attaquer le monastère, par exemple des extrémistes pour nous tuer, il va falloir que je réponde. Mais je ne vais pas répondre avec la haine. Je ne vais pas répondre avec une forme de racisme. Mais je vais répondre parce que c'est mon devoir. Et à ce moment-là, ce devoir, il ne me contamine pas. Il me libère. Il me permet d'aller plus loin. Alors, quel a été votre cheminement ? Comment vous avez pu passer de cette extrême violence à la sagesse dont vous témoignez aujourd'hui ? Je sais que vous avez aidé un ancien membre de votre gang qui était devenu handicapé suite à une bagarre et que celui-ci s'est tourné vers la spiritualité. Est-ce que c'est ça qui vous a fallu pour changer ou il y a d'autres causes ? Il y a eu des causes externes, mais je pense que la cause la plus importante, c'était une cause interne. Alors bien sûr, c'est difficile à comprendre, sauf pour les spiritualistes, c'est que cette cause interne, je pourrais dire que c'est l'amour qui est venu me chercher. Et quand je me retrouvais dans ces situations où j'arrivais plus à frapper des gens, j'arrivais plus à haïr des gens, à ce moment-là, il y avait toujours des événements qui arrivaient. Par exemple, un jour particulier, j'étais dans le métro parisien, j'avais une cote de travail, et à cette époque-là, j'avais un aigle nazi, en fait, tatoué sur ma poitrine, comme ça. Et j'avais un emblème nazi tatoué sur ma tête. Et j'avais l'habitude de prendre 4 places... et puis de regarder tout le monde pour dévisager tout le monde. Quoi. C'était vraiment le gars vraiment mauvais. Et je faisais ça tout le temps, moi, dans Paris. Et là, on était vers Barbès. Et puis, d'un seul coup, je sens l'amour venir me chercher. Et c'était vraiment un truc bizarre pour moi. Et là, il y a un maghrébin qui vient, donc un musulman, hein, quelqu'un de bon, hein, vraiment. Il me dit, excuse-moi, je peux m'asseoir à côté de toi ? Et puis j'étais dans cet état de choc un peu. Je lui dis, bien sûr, voici toi. Je ne sentais pas d'animosité. Je sentais quelqu'un qui voulait mon bien. Et puis il me regarde et me dit, mais pourquoi tu t'habilles comme ça ? Et là, je suis choqué. J'ai cet habit. Dans ce moment-là, je ne peux pas l'assumer. Parce qu'il y a quelque chose de différent qui est en moi. Il ne m'aurait peut-être pas parlé comme ça à un autre moment. Il a senti la faille. J'étais désarmé. C'est ça la puissance de l'amour. Et c'est là que je commençais à douter. C'est difficile de dire que tout le monde est mauvais quand il y a des gens qui sont bons. Je me rappelle d'une autre fois, par exemple, il y avait un membre de gang adverse et il m'avait donné rendez-vous avec un autre pour se taper la tête. C'est comme ça, des fois, ça arrive, hein, c'est des rendez-vous comme ça. Et j'étais avec lui en face, comme je suis en face de vous. Et je ne ressentais pas d'animosité. Et puis je lui parlais avec de l'affection, finalement, avec un gros look de skinhead abruti, tu vois. Et lui, il me disait, mais attends, on va se battre, hein. Même lui était désarmé. Attends, on va se battre, hein. Je lui dis, ouais, on va se battre. Mais en fait, on ne s'est jamais revus. Et puis c'était des moments comme ça où j'étais perdu. Vous racontez aussi cet épisode avec cette femme qui était avec vous à l'école, cette femme juive. C'était un jour spécial. Je sortais de mes parents parce que de temps en temps, je revenais chez mes parents. J'étais habillé tout en noir, avec l'emblème de mon gang, qui était tatoué aussi sur ma tête. Donc, j'étais comme un nazi, quoi. Et en face de chez moi, il y avait une famille juive qui était très proche de nous, parce qu'on s'était toujours connus depuis tout petit, en fait. Moi, j'étais arrivé à 6 mois dans la cité, et eux étaient arrivés au même moment. Donc, on a tous grandi ensemble. On se connaissait comme des frères et des sœurs. Et moi, j'avais évolué, mais j'avais toujours un lien avec eux, parce que c'était des gens que j'aimais. Et un jour, je sors sur le palier, et cette fille juive, qui a le même âge que moi, qui a grandi dans la même école que moi, on se connaît depuis, je ne sais pas quel âge j'avais, depuis 19 ans. Hein. On habite à 5 mètres en face de l'autre. Et elle est avec un bébé, et elle me voit habillée comme ça. Et c'est le choc. C'est le choc parce que moi, je ne comprends pas qu'est-ce que je représente. Et je lui dis « Salut, tu vas bien ?» Et je sens qu'elle a peur de moi, et je ne comprends pas. Et là, je prends conscience que je suis un monstre. On fait quelques pas, j'allume le bouton de l'ascenseur, j'ouvre la porte, elle entre, et je m'en vais. Mais c'est quelques instants. Waouh ! J'avais l'impression que tout m'était révélé, quoi. C'était lourd. J'avais l'impression de voir les camps de concentration, toutes les violences que les Juifs avaient reçues. Et je me suis senti mais complètement détruit à l'intérieur. Mais dans ma bêtise, quand même, quand je suis sorti avec comme de la fierté. Parce qu'il fallait que je continue. Mais c'était comme une défaite. Au fond de moi, je n'avais pas la force de pouvoir assumer tout ça. Et donc, tous ces événements, je n'arrivais pas à arrêter. Parce que j'avais que le gang. Si j'abandonnais ça, j'avais plus rien. Mais la chance que j'ai eue, c'est qu'à un moment, un membre ou deux du gang désire arrêter. Et là, j'ai réussi à passer donc ce cap. Mais tout seul, j'aurais pas réussi. C'est là que j'ai commencé à pratiquer le yoga sérieusement, entrer en moi-même. Mais ce qui était difficile, vraiment, c'est quand j'ai arrêté, j'ai changé de look, je me suis fait pousser les cheveux, tu vois, et j'essayais d'être quelqu'un comme tout le monde, mais j'avais eu tellement de parano, j'étais tellement enfermé dans cette violence que j'ai eu l'impression de sortir d'une prison. Je redécouvrais le monde et puis j'en avais peur. J'avais encore des réflexes où je devais me retourner si j'entendais quelqu'un courir, tout ça. C'est comme quelqu'un qui vit dans la guerre. Et puis graduellement, je m'en suis sorti. J'ai pris refuge d'un autre groupe parce que je pouvais pas vivre en bande. C'était pas possible pour moi. Quoi. Ne pas vivre en bande, ah, c'est j'y arrivais pas. Ouais, il fallait une bande, hein. Il fallait quelque chose. Ah, ouais. Et donc, j'ai pris refuge d'un groupe, c'était des mods. C'est quoi des mods ? Des modernistes, ça vient des années 60, comme les Who, les Beatles, un petit peu, voilà, une certaine coupe, costard cravate, tout ça, ils écoutent de la soul music, ils n'ont pas des idées extrêmes. Donc pour moi, c'était plus favorable. Mais quand même, il y avait des choses terribles qui m'arrivaient, comme des gens qui voulaient me revoir, parce que j'étais un petit peu comme une idole. En plus, j'avais fait un groupe de musique qui s'appelait les Evolsky, le truc super négatif, mais qui avait super marché à l'époque. Avec des paroles ultra-violentes. Ultra-violentes, vraiment racistes. Mais est-ce que vous aviez conscience du mal que vous faisiez par vos actes, mais aussi par vos paroles, par... Ça, c'est vraiment intéressant, ça, ouais. Cette question. Quand tu vis dans un groupe féroce comme ça, il faut toujours que tu sois respecté. Donc, quand quelqu'un amène une idée débile, qu'elle est acceptée, tu dois l'accepter. Donc, c'est une avalanche d'idées que tu ne comprends pas, que tu acceptes. Et quand tu te trimbales avec des symboles, personne ne t'aime. Donc, tu te mets à détester tout le monde. Et plus tu détestes tout le monde, plus les gens te détestent. Donc c'est une spirale, tu ne peux pas t'en sortir. Et tu abordes des idées que tu ne comprends même pas. Je vais vous dire quelque chose. Une fois, j'avais été invité dans une fête avec des gens vraiment extrémistes. Et puis, il y a un gars du 6e arrondissement, la coupe vraiment sur le côté blond, vraiment le type arien, tu vois. Et il me fait voir des photos de camps de concentration. Et moi, j'étais choqué. Mais pourtant, j'avais ces emblèmes-là sur moi. Il était en train de me parler de ça comme quelque chose de tout à fait normal. Des gens qui étaient squelettiques, ils rigolaient. Donc, l'ignorance, c'est qu'on peut accepter quelque chose sans le comprendre. C'est bizarre. Et pourtant, moi, c'est mon expérience. La preuve, c'est que quand je suis sorti de ce milieu, ces idées-là, elles sont parties tout de suite. Mais c'est la violence qui m'a attiré. Donc, vous avez commis contre d'autres membres de gang des choses horribles. Comment vous vivez avec ça ? Moi, la vie spirituelle, elle m'a amené à mourir pour vivre. Ce personnage que je parle, c'est comme si j'étais sorti d'un rêve. Par exemple, si vous rêvez d'un loup-garou, il vous poursuit. C'est terrible comme rêve. Et quand vous vous réveillez, vous avez encore une impression et graduellement, vous oubliez votre rêve. Et il disparaît. Et bien, naturellement, la vie, comme on la perçoit à l'état conditionné dans l'ignorance et la passion, c'est comme des choses qui viennent nous hanter. J'ai connu ça. J'ai connu. Oh, c'est terrible. Quand j'ai eu mes débuts dans la vie spirituelle, quand quelqu'un me parlait mal, je voyais coup de tête, machin, bidule. Et je dis, ah, toi, c'était des flashs de violence parfois qui revenaient. J'allais même crier dans les parcs pour que ça sorte. Ah, j'avais besoin. Et pourtant, aujourd'hui, ça n'arrive plus. Et tous ces flashs de violence, je ne m'en rappelle même plus. Pourquoi ? Il y a l'alcool, il y a la drogue. Quand tu es dans un gang, tu n'es jamais net. Tu te réveilles le lendemain, tu ne sais même pas ce que tu as fait. Je me rappelle d'une fois, la PJ, police judiciaire, était venue me chercher pour un meurtre. Et ma mère, elle pétait les câbles. À cette époque-là, j'avais du sang sur mes vêtements, tout ça. Avoir un fils comme ça, mais c'est horrible. Oui, vous parlez beaucoup de la souffrance de votre mère. Ah ouais, ma mère, elle a voulu se suicider tellement de fois. C'est dur. Quand je vais revoir mes parents ou ma sœur et qu'on parle un tout petit peu du passé, ils tremblent. Hein. Ils tremblent, ils se mettent à pleurer et tout. Là, je vois le monstre. Hein. Là, je vois le monstre. Et ça ne vous fait pas trop souffrir de vous dire le mal que vous avez pu faire ? Bah, bien sûr. Bien sûr qu'il y a le repentir. Le repentir est toujours là. Il m'accompagne constamment. Mais je dois aider des êtres. Je dois laisser ma souffrance pour les aider. Si je suis juste à me lamenter, je sers à quoi ? Et le fait que je m'en suis sorti, pour eux, c'est un espoir. Je me suis éveillé à une autre vérité. Je me suis éveillé à l'amour. Je me suis éveillé à la compassion. Aujourd'hui, maintenant, ça fait 30 ans que je donne de l'amour, que j'aide les gens. J'ai 5-6 personnes par semaine en moyenne qui me contactent. Ils ont besoin d'une personne qui s'en est sortie et je m'en suis sorti. Donc, ce que je donne, c'est des outils pour se libérer et de l'espoir aussi. Est-ce que parce que j'ai fait des choses mauvaises, est-ce que je ne peux pas devenir meilleur ? Est-ce que je ne peux pas devenir même meilleur que tous ces gens qui vont me critiquer et avoir de la rancœur et faire des millions de fois plus de bonnes choses qu'eux ? Tout est possible. Donc vous avez des personnes qui sont dans cette spirale de violence qui vous appellent. Est-ce que vous avez déjà eu des anciennes victimes ? Ça m'est arrivé. J'ai un club de moto à IMSA Non-Violence donc, qui s'appelle. Et on vit en bécane, tout ça avec nos couleurs et tout. Donc je dis bonjour à tout le monde. Et puis je sens que... il y a deux gars qui ne sont pas très joyeux de me voir. Et puis, je dis, excuse-moi, je ne te sens pas. Qu'est-ce qui se passe et tout. Ben, il me dit, mais tu m'as pété la tête il y a tant d'années. Et puis là, avec des larmes, je lui ai demandé pardon. Je lui ai dit, pardonne-moi, tu sais, j'étais dans l'ignorance. J'ai changé. Et le gars m'a pardonné. Il m'a dit, oui, je comprends. Et après, ça allait. Je suis prêt à réparer. Il y a même des gens d'Israël qui m'ont appelé. Dans Skinhead Repenti, vous dites... tout le monde a une beauté. Un voyou a le droit à la beauté, a le droit d'être considéré, il a le droit de changer. Parce que quand j'ai été condamné, c'est là que je suis tombé tellement bas. C'est pourquoi je ne condamne personne. Moi, je sais que cette non-condamnation, je l'ai ressentie à l'intérieur de moi-même, pas chez les autres. J'ai toujours été condamné. Mais quand j'ai médité, j'ai senti Dieu me tendre la main. Et c'est ça qui m'a permis... de comprendre qu'il ne fallait plus jamais juger quelqu'un. Aujourd'hui, je suis l'ami des êtres, parce que je ne peux pas, par mon expérience, discriminer. C'est pour ça que certaines personnes me critiquent. Aujourd'hui, je parle avec toutes sortes de personnes, j'aide toutes sortes de personnes. Mais pourquoi ? Parce que si à cette époque-là, on m'avait aidé, j'aurais peut-être changé. Mais j'ai trouvé personne. C'est venu à l'intérieur de moi-même, pas à l'extérieur. Donc, quand j'ai été soigné de cette violence, cette réalisation que j'ai eue à l'intérieur de moi-même, c'est que tout le monde est bon, parce qu'aujourd'hui, je suis bon. C'est juste des couches qui me recouvrent. Mais l'expérience de l'âme, elle passe au-delà. On n'est ni maghrébin, on n'est ni français, on n'est ni américain. On est la vie. Et donc, la spiritualité, pour moi, ce n'est pas Dieu. La spiritualité, c'est avant tout comprendre qui nous sommes. On appelle ça le Svadharma. Quelle est ma fonction éternelle? Et ma fonction éternelle, ce n'est pas d'être identifié à toutes ces couches. C'est pourquoi, ayant réalisé ça au plus profond de moi-même, je ne peux pas dire à quelqu'un que je ne vais pas l'aider parce qu'il pense gauche ou il pense droite. Je dois être l'ami, parce que c'est mon expérience. Ça m'interpelle parce que vous dites ça et en même temps, vous avez un gang de motos, vous vous habillez donc plutôt comme un motard ou alors comme un moine. Je vous ai vu aussi sur des photos en moine, donc hindouiste. C'est quand même des couleurs franches. D'ailleurs, vous parlez tout le temps du fait que vous aimez les looks. Comment vous expliquez ce voyage ? En fait, le principe, c'est comme un caméléon. Un caméléon, il reste à l'intérieur de lui-même la même chose, mais il prend les couleurs et les teintes à l'extérieur parce qu'il y en a besoin. Pour aller prêcher un voyou, vous n'allez pas vous habiller en un moine. Vous allez prendre un look de voyou. Mais à l'intérieur de vous-même, vous êtes le même. Quand vous vous mettez un habit de moine, vous êtes le même. Vous n'êtes pas identifié au look, mais vous l'utilisez parce que c'est un moyen de faire du bien. Mais ce n'est pas qu'on y est attaché non plus et qu'on s'identifie. Par exemple, une fois, j'étais dans une convention de moto et il y a un biker, il me dit « Ouais, ta moto, j'aime pas. » Je lui dis « Ouais, t'as raison, moi, la tienne, je l'aime tellement. » Du coup, c'était fini parce que j'étais pas attaché à ma moto. Je voulais simplement l'aider. Alors là, vous me recevez dans le temple hindouiste Vaishnava que vous avez fondé près de Rouen et c'est le seul temple hindouiste reconnu en France, si j'ai bien compris. Alors, comment vous en êtes venu à fonder une communauté religieuse hindouiste en France et tourné vers la non-violence? Le cheminement de sortir de la violence, ça m'a amené à aller en Inde et à vivre comme un moine, comme un reclus. J'ai eu besoin de me couper vraiment pour me sauver de cette situation. C'était trop fort. Hein. J'étais trop attaché à la vie de gang et j'ai eu besoin véritablement de me couper de la société, de partir loin des gens que je connaissais, qui avaient de l'influence sur moi et qui me faisaient tomber tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc, graduellement, j'ai pu vraiment m'extirper, entrer en moi, développer des qualités, changer complètement. Et comme ça m'avait réussi, j'ai voulu naturellement reproduire quelque chose, transmettre aussi quelque chose qui était bon. Mais en parallèle, j'ai fait aussi l'association Emsa Non-Violence, où c'est plus axé sur une spiritualité universelle que tout le monde pourrait accepter. Voilà. Alors, ce serait intéressant que vous développiez ces deux voies. Comment vous arrivez à jongler entre donc une vie de moine, vous me dites que vous vous levez à 1h du matin pour méditer, et en même temps des voyages en moto, le rock. En fait, le point, c'est qu'à un moment, quand je pensais à une petite activité négative que j'avais faite, c'était comme une tache noire sur un linge blanc. C'était horrible. Et là, je me dis... Il faut que je demande pardon, mais aussi que je puisse aider les gens à s'en sortir. Ça sera mon rachat. Et là, j'ai fait un blog qui s'appelait « Ce qui aide repenti ». J'ai commencé à écrire mon histoire. Et là, j'ai vu des milliers de personnes qui commençaient du monde entier à me suivre, à me poser des questions, comment j'avais changé, etc., etc. Et là, j'ai découvert une voie. En fait. Je me suis dit « Mais là, c'est la grâce de pouvoir aider des gens. » Et aussi, pas une façon religieuse, mais une façon personnelle. Comme un ami qui va te donner des outils pour t'en sortir. De là, je me suis dit, il faut que je crée une identité, quelque chose. Comme j'ai été violent, non-violence. Ahimsa, ça veut dire non-violence en sanskrit. Si on prend l'aïkido, on prend la force de quelqu'un pour le remettre contre lui. Et de la même manière, on peut utiliser une forme de violence et la rendre non-violence. Et là, à partir de là, je me suis dit, bah, il faut que je fasse des activités. Qu'est-ce que je sais faire ? J'ai fait de la guitare pour la violence. Faisons maintenant pour l'amour, pour la non-violence. Je peux parler de mon passé. Le symbole, quand tu as 50 ans, quand tu sors de gang dans la rue, souvent tu es motard. C'est un peu la suite. Donc, on va faire un gang de motards, mais pour l'amour. Donc, le but, c'était d'accepter des activités et les transformer. Donc, on a créé aussi une distribution de nourriture végétarienne, non-violente. Que vous faites ici à Rouen ? Trois fois par semaine, ouais, on fait. Et on a aussi des temps d'écoute. Voilà, les gens peuvent nous contacter, parler, voilà. On fait des spectacles de rue pour la non-violence aussi. Ça veut dire qu'on vient en moto, des fois on est 15-20 comme ça, et quand on vient dans une ville, on commence à chanter pour la paix, et c'est génial. Et on prouve comme ça aux jeunes qu'ils n'ont pas besoin de se dégrader pour avoir une expérience. Mm. Prends la moto avec nous. Tu vas voir, tu auras la même expérience, mais elle sera positive. Mm. Les principes de l'hindouisme, c'est la vérité, la non-violence, la générosité, la maîtrise de soi. Gandhi était hindouiste, vous en avez un peu parlé. Il a puisé dans la Bhagavad Gita, le livre sacré hindouiste, ses intuitions spirituelles et sa force d'action. Est-ce que c'est une figure qui vous a inspiré ou est-ce que c'est ce livre qui vous a inspiré à changer ? Bah, c'est ce livre, Gandhi, c'est ce livre qui l'inspire aussi. Ouais. En fait, ce qui est complètement paradoxal, c'est que ça se passe sur un champ de bataille, la Bhagavad Gita, à Kurukshetra. Et Arjuna se retrouve entre les deux armées. Et le camp opposé, c'est des gens de sa propre famille, son maître d'armes qui chérit et qui veulent le tuer. Et il ne comprend pas, en fait. Et à ce moment-là, Shri Bhagavan Krishna l'enseigne sur la nature de l'âme. Et l'âme, elle n'a pas de désignation matérielle, elle est au-delà. Et donc, quand on comprend qu'on est l'âme, on ne peut plus faire de violence à personne. Donc, c'est ce que Gandhi l'a inspiré. Il reste un exemple de ce que la Bhagavad Gita peut nous apporter. Mais vous avez choisi un courant de l'hindouisme qui est le Vaishnavisme. En quoi vous a-t-il convenu plus qu'un autre ? En fait, l'hindouisme, c'est un nom que les Anglais ont donné pour toutes les croyances qu'il y avait dans l'Inde. Mmh. Déjà, premièrement, c'est pas une religion bien identifiée comme le christianisme. En fait, le Vaishnavisme, c'est la religion monothéiste qui est considérée dans l'hindouisme. Là où il y a une conception personnelle de Dieu, où on peut avoir une relation et développer l'amour de Dieu. Et donc, moi, c'est un chemin qui m'a parlé. C'est ce qui m'a permis de vraiment échapper à toute cette conception de cette fausse personnalité qui était en moi. Après, dans tout mouvement, il y a des modérés, des extrémistes, tout ça. Mais je crois que vous en avez fait l'expérience au début. Oui. Moi, j'avais délaissé la haine pour l'amour, et puis je me suis retrouvé dans un groupe qui était complètement fermé, sectaire, et... Mais cette expérience-là m'a permis beaucoup d'évoluer. C'était une autre forme de violence. Ah ouais, c'est une autre sorte de violence. C'est les religieux qui vont dire « il n'y a que nous qui a la vérité, les autres, c'est des mécréants ». C'est juste de la violence, c'est juste de la frustration. Mais ils vont dire que c'est noble et que c'est divin. Mm-hmm. Mais voilà, donc moi, je ne pouvais pas ça. Est-ce que vous avez des contacts avec d'autres communautés religieuses, que ce soit de votre courant ou d'autres courants ? Bien sûr, avec des soufis, par exemple. Ça m'est arrivé de rencontrer différentes confessions chrétiennes et ça ne s'est pas toujours bien passé. Je me rappelle une fois, j'avais fait un pèlerinage à Lisieux. Tout le monde était content que j'étais là. Une fois que j'ai dit que je n'avais pas la même confession, plus personne ne me parlait. Et pourtant, les gens sont tellement gentils. Pourquoi ? Parce que pour eux... Mon Dieu n'est pas le même que le leur. Mmh. Et tout le monde se fait la guerre au nom de l'amour. C'est ce qu'il y a de pire. Et c'est pour ça que les gens ne croient plus. Parce qu'au nom de l'amour, on tue tellement de millions de personnes. Il y a eu des génocides au nom de l'amour. Hein. Et ça continue aujourd'hui. Mmh. Et là, vous êtes implanté donc, dans une petite ville près de Rouen. Est-ce que vous avez fait un réseau au niveau local ? Comment vous êtes vécu par les habitants du coin ? Y a des gens qui viennent, mais quand ils viennent, on ne leur tombe pas dessus. Voilà. On a quand même un club de yoga et on a quand même 200 personnes dedans. Hein. Et puis voilà, il y a toutes sortes de personnes qui viennent. On n'a pas cette vocation à fouiller partout pour se faire connaître, etc. On a une vie intérieure avant tout. Et les moines qui sont dans votre communauté, c'est que des hommes ? Non, c'est hommes et femmes. Et comment on devient moine Vaishnava ? Ça ne s'explique pas. On a des personnes qui viennent une fois, et puis comme quand on est touché par une flèche et qu'on devient amoureux, on découvre quelque chose qui nous va à la perfection. Alors, En Inde, on dit ça vient des vies passées, Nya Biklamana Sahosti. Ce qu'on a accompli dans les vies passées, on le reprend dans une vie future. Moi, c'est ce que j'ai ressenti dans mon cœur. Dès que je suis rentré en contact du Vaishnavi, j'étais à la maison. Et c'est comme si j'avais déjà pratiqué, tout revenait, quoi. Ah, c'est incroyable. J'ai pas eu besoin de choisir et de me retourner le cerveau 10 fois pour savoir si c'était le bon choix. Non, je pouvais pas faire autrement. C'était ma voie et je pouvais pas l'expliquer. Et ben, il y en a qui viennent et c'est comme ça. Là, on en a un, par exemple, il vient d'un gang, là. Il était dans un motoclub 1%. Et lui, c'était quelqu'un de super violent. On l'a vu une fois et il habite là. Il a changé sa vie. Oui. Et il a été revoir ses anciens copains, là. Des gars féroces, hein. Ils ont halluciné, ils le reconnaissent même plus. Donc vous vivez en communauté. D'ailleurs, ça c'est intéressant parce que au fond, vous avez presque toute votre vie vécu en communauté. J'adore vivre en communauté parce que c'est un moyen d'évoluer. Oui. Dans une communauté, t'as le grincheux, t'as celui-là qui est comme ça, c'est un peu comme les schtroumpfs. Hein. Et bah, le grincheux va nous permettre d'apprendre la tolérance. Donc la communauté, c'est un moyen pour évoluer qui est très fort. Hein. C'est qu'en fait, on évolue les uns et les autres et on fait un cœur à la fin. Et est-ce que vous faites vœu de chasteté quand vous devenez moine ? Moi, oui. Je suis ce qu'on appelle un sannyasi. Je n'ai pas de vie de famille, tout ça. Ça fait 31 ans maintenant. Mais il y en a qui peuvent aussi vivre mariés aussi. On a 3 couples ici, par exemple. Et les enfants, ils vont à l'école, etc. C'est pas qu'ils sont coupés de la société. Moi, je fais vraiment attention à ça. Ils viennent pas aux prières, tout ça. Donc, on les voit de temps en temps. Ils donnent un petit coup de main en cuisine, des fois, tous ensemble. Ils se marrent. Et alors, avec Ahimsa Non-Violence, donc vous avez un groupe de rock. Die to Live. Die to Live. Mourir pour vivre. Qu'est-ce que vous souhaitez apporter par la musique ? Par le rock, notamment. Bah, disons que le rock... Déjà, ce qui est vraiment intéressant, c'est que souvent, les gens non-violents, ils font plutôt de la musique méditative, douce. Et on doit pouvoir accepter tous les supports et les changer. Donc, le but du rock, bah, c'est de permettre de véhiculer des idées qui sont positives pour toucher des jeunes, pour toucher des gens qui écoutent ce genre de musique. Et vous, vous êtes guitariste ? Moi, je suis guitariste. En fait, c'est moi qui compose la musique et puis aussi les paroles. C'est des chansons, un message. On parle beaucoup d'amour. Moi, si j'ai créé ce podcast, c'est parce que j'avais envie de susciter presque une fascination pour la non-violence, alors que dans notre société, c'est la violence qui dirige. Je ne parle même pas de la violence physique, mais tout le système est violent de A à Z. Et je me rends compte que ça marche dans le sens où, évidemment, il y a des gens que ça touche, des gens qui, moi aussi, me contactent, etc. Mais c'est quand même des petits pas de fourmis. Et moi, je me dis, est-ce que c'est parce que la violence, c'est spectaculaire et que l'amour ne peut pas faire le contrepoids à ce spectacle ? Et est-ce que vous pensez que ce sera possible un jour de donner davantage envie de s'engouffrer dans une voie d'amour que dans une voie de violence ? Un jour, ça viendra. Mais il faut parfois que ça soit extrême pour que les gens changent. Et malheureusement, on connaît cette époque-là. On appelle ça, en hindouisme, l'âge de Kali, l'âge d'hypocrisie. Et dans cet âge-là, on est prêt à tout exploiter au détriment d'autrui, et même nos propres enfants. Naturellement, tout va se retourner contre l'être humain. Quand les réactions vont venir, parce que la nature, elle donne des réactions, à ce moment-là, les gens alors, vont vouloir changer. Quand on souffre et qu'on ne peut pas s'en sortir par notre propre force, qu'est-ce qu'on fait ? On prie, on pense, on l'appelle, on cherche un refuge qu'on avait oublié, ce qu'on appelle Shraddha, le refuge. Et est-ce que derrière cet âge, il y a un autre âge qui arrive ? On appelle ça l'âge d'or. C'est prophétisé que d'ici 2035, en fait, il commencerait. Ça veut dire que les gens commenceraient à changer. Donc on va vivre une période obscure aussi, où les gens vont souffrir. Et après, les gens vont s'ouvrir à une forme de spiritualité. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, William Deligny ? À vous et à votre association et à votre monastère, et pour votre vie. J'aimerais aider plus de personnes. Je vis pour ça. Et comme vous l'avez exprimé, la non-violence, ça n'intéresse pas grand monde, finalement. Et la vie spirituelle, ça nous fait voir aussi au plus profond de nous-mêmes qu'on est très limité. Voilà, moi, je suis empli de défauts. J'aurais aimé être comme vous, savoir bien parler, être poète, hein, acteur, avoir tellement de qualités. Et moi, je suis là sans qualité à essayer d'aider les autres. Oui, mais quand vous parlez de vous, je vous trouve injuste envers vous-même. Non, c'est pas de l'injustice. Plus on est petit, plus on peut voir. Et plus on peut apprécier les autres. Oui, mais si vous faites trop petit, les autres ne vous verront pas. Pour que vous transmettiez ce message, il faut aussi que vous voyez que vous êtes un messager digne. Oui, mais par la petitesse, on peut voir la vérité. C'est pas grave. Si moi, j'y arrive pas, si d'autres peuvent y arriver, je serai content. Non, mais si c'est vous qui pouvez le faire. Je sais pas. C'est pas évident avec un passé comme le mien, tu sais. Il y a des gens qui me pardonnent pas. Oui. Hein? Il y en a tellement, tu sais, qui pensent que je suis un hypocrite. Je me fais tellement critiquer. Et en même temps, votre parcours est extrêmement inspirant pour des gens pour s'en sortir. Beaucoup plus qu'un parcours comme le mien, qui est banal, classe moyenne, etc. Vous voyez, je ne peux pas inspirer des voyous à changer. C'est pour ça que je vous donne la parole à vous. Mais en fait, on se complète. Il faut plein de personnes. Moi, je peux aider telle personne. Toi, tu peux aider d'autres. Ça crée un équilibre. L'humilité, c'est la vraie non-violence. Si tu te glorifies et que tu penses que t'es grand, alors tout est gâché. Mais c'est vrai que parfois, il faut être capable de se lever, de dire non, d'avoir ce courage-là. Si on se sent trop petit, on prend jamais ce courage, non? C'est pas vrai. C'est pas vrai. L'humilité, c'est la plus grande force. Je me rappelle d'une fois, j'avais été dans un gang, il y avait un gars super balèze, il faisait deux têtes de plus que moi, le double de moi ou le triple, vraiment énorme, avec des mains, le double de la mienne. Et il me disait comme ça, tu pourras jamais être mon frère, toi. Et il me disait toujours, je vais te démonter. Et moi, je lui prenais les mains et je lui dis, je t'aime, tu es comme mon père, je suis comme ton enfant. Et j'ai vu cette personne-là, des larmes dans ses yeux. L'humilité, l'amour, c'est tellement puissant. Quand tu parles, ça touche le cœur, ça transforme. Une fois, j'étais invité à un lycée pour parler devant 400 gamins. Et le soir, j'ai eu le droit aux parents. Et des parents super cultivés. Moi, je ne sais pas parler français presque. Et moi, je me dis, mais qu'est-ce que je vais leur parler à ces gens-là? Ils sont tellement plus éduqués que moi. Et puis j'ai commencé à parler et je les voyais pleurer. Et après, quand j'ai fini ma petite conférence, alors ils m'écoutaient, ils me posaient tous des questions. C'est ça la force de l'humilité. C'est que tu prends jamais les gens de haut, tu es juste un petit serviteur des êtres vivants. Et ça, ça change tout. T'as pas besoin de pouvoir. Ça se fait tout seul. C'est tellement puissant. Merci beaucoup, William Deligny. Merci. Die to Live, l'hymne à l'amour. Un jour le vent, j'ai pris mon courage de monter aux parois pour les innocents. Ils n'ont rien vu de ce maniement. Ensemble, ils courent vers un précipice violent. Allons face à la victoire de la... Si vous avez apprécié ce moment passé ensemble, commentez-le, partagez-le, mettez beaucoup d'étoiles. Et si vous voulez m'aider à poursuivre cette mission que je me suis donnée de diffuser la culture de non-violence et à continuer ce travail passionnant, vous pouvez me faire des dons, ponctuels ou réguliers, en cliquant sur l'onglet « Soutenir » du site force-nonviolence.fr. Je vous souhaite d'utiliser vos peurs, vos colères et vos révoltes comme un moteur pour agir et transformer ce monde. Ahimsa.